Rien n'y console l'œil de sa prison stérile, ni les dômes dorés d'une superbe ville, ni le chemin poudreux, ni le fleuve lointain, ni les toits blanchissantes aux clartés du matin. Seulement, répandus de distance en distance, de sauvages abris qu'habitait l'indigence, le long des trois sentiers, en désordre semés, montrent leurs toits de chaume et leurs murs enfumés, où le vieillard, assis au seuil de sa demeure, dans son berceau de jonc, endort l'enfant qui pleure. Enfin, un sol sans ombre, et des cieux sans couleur, et des vallons sans ondes. Et c'est là qu'est mon cœur. Ce sont là les séjours, les sites, les rivages, dont mon âme attendrie évoque les images, et dont pendant les nuits, mes songes les plus beaux, pour enchanter mes yeux, composent leurs tableaux.